sauver na bombo. C'est boutou moko na présence na yo. Longi na ga yengengi. Atina boutou na ngai mwana na zambe. Na moni yo, se yo zambe na bombo. C'est boutou moko na présence na yo. Longi na ga yengengi. Au lieu de pleurer, profite de ce temps de la grâce. Oh, c'est la boutou, oh, oh, oh, oh. Mardoché a pika ki na motambo ya ramana. Pona ngayi mokondi a kola la pongite pona kokanisa. Pola mwata moko na sala. Yeah. Otika koni lela lela. Baby, ça vous tourne à bas souci. Ton côté la présence, la zambé, n'y en soit et faux bon guana. C'est un aboutou, mon corps. Quand il aboutou, n'en gagne, mon sieur. N'attends tout, l'issue, la canaille. N'attends tout, l'issue, et t'es au ligne d'un mingi. C'est un aboutou. Swalinga kanga mingi, sena butu moko.